alors qu'il est. Des jours sans fin et des nuits blanches, hein. La vie nous appartient quand on y pense bien. L'avenir appartient à tous ceux qui ne s'endorment pas. Demain c'est mort, depuis hier matin le présent donne part. De ceux qui lèvent les bras, à ceux qui négligent encore le rap. Chaque vie a sa fin et comme vous tous le temps m'emportera. L'avenir appartient à tous ceux qui ne s'endorment pas. Demain c'est mort, depuis hier matin le présent donne part. De ceux qui lèvent les bras, à ceux qui négligent encore le rap. Chaque vie a sa fin et comme vous tous le temps m'emportera. Et au départ, mec j'étais parti pour rentrer tôt. J'observerai le soleil nous cerner entre potes. Vu que ce n'est pas en en rêvant qu'on change les choses. Du crépuscule au jour levant, j'étends mes prose. Je me confie à la somnie et me méfie de l'homme qui dort. À métamorphoser le sable du marchand qui l'odore. Je me repentis à l'aube, à l'heure où la vie de 100 kilos. J'offre mes sentiments à l'aurore avant de me sentir mort. Au nom des gens blessés qui sont bercés par des champs de guerre. Ne venez pas me dire que le sang versé est exemplaire. Sous les lits de pompe, là où la tristesse est légendaire. Où la réalité est un cauchemar qui les enterre. Les somnifères médiatiques et les trafics sans frontières. Aucun propriétaire dans l'état fixe des taxes foncières, le monde se fatigue. Un peu partout ça me concerne. C'est pour ceux qui lèvent les bras et réveillent nos salles de concert. Nos galères à nos fous rires jusqu'au bout de la nuit. On a la terre pour nous soutenir, on lui doit tous la vie. De nos galères à nos fous rires jusqu'au bout de la nuit. On a la terre pour nous soutenir, on lui doit tous la vie. De nos galères à nos fous rires jusqu'au bout de la nuit. On a la terre pour nous soutenir, on lui doit tous la vie. De nos galères à nos fous rires jusqu'au bout de la nuit. On a la terre pour nous soutenir, on lui doit tous la vie. Et au départ, mec j'étais parti pour rentrer tôt. J'observerai le soleil nous cerner entre potes. Vu que ce n'est pas en en rêvant qu'on change les choses. Du crépuscule au jour levant, j'étends mes proses. À l'heure qu'il est, j'évite les histoires à pieuter debout. Je médite pour donner le meilleur, mais je ne suis pas mieux que vous. Le talent c'est de l'envie, le reste faut le taffer. Je n'ai pas le temps de me languir ni d'apprendre à calquer. Cette silhouette remplie de stupes qui tue le sommeil. Qui saute les moutons en espérant toucher le sommet. Viva la noche. Moi je l'ai trop souvent trompé, j'aime pas l'avoir sombré. Donc je lui file un coup de main pour prendre son pied. Elle s'éclipse en un instant comme une étoile filante. J'irai me coucher en passant quand se lèvera le silence. Le jour comprend la nuit mais pas l'inverse. Comme le présent bâtit l'avenir et les miens veillent. L'avenir appartient à tous ceux qui ne s'endorment pas. Demain c'est mort, depuis hier matin le présent donne part. De ceux qui lèvent les bras, à ceux qui négligent encore le rap. Chaque vie a sa fin et comme vous tous le temps m'emportera. L'avenir appartient à tous ceux qui ne s'endorment pas. Demain c'est mort, depuis hier matin le présent donne part. De ceux qui lèvent les bras, à ceux qui négligent encore le rap. Chaque vie a sa fin et comme vous tous le temps m'emportera. La Belgique ne dort pas. L'exhaleur. Des jours sans fin et des nuits blanches.